Les indigènes, avec pierres et flèches, obligent les trois dîneurs à rejoindre leur canot, puis le Nautilus. Le lendemain, les Papouas, plus nombreux que la veille, apparaissent et s'approchent du Nautilus avec leurs pirogues. Et certains veulent descendre dans le sous-marin. Mais le premier de ces indigènes qui mit la main sur la rampe de l'escalier, rejeté en arrière par je ne sais quelle force invisible, s'enfuit, poussant des cris affreux et faisant des gambades exorbitantes. 10 de ses compagnons lui succédèrent. 10 eurent le même sort. Conseil était dans l'extase. Ned Land, emporté par ses instincts violents, s'élança sur l'escalier. Mais, dès qu'il eut saisi la rampe à deux mains, il fut renversé à son tour. « Mille diables ! S'écria-t-il. « Je suis foudroyé !» Ce mot m'expliqua tout. Ce n'était plus une rampe, mais un câble de métal, tout chargé d'électricité du bord, qui aboutissait à la plateforme. Les Papouas, épouvantés, avaient battu en retraite, affolés de terreur. Nous, moitié riant, nous consolions et frictionnions le malheureux Ned Land, qui jurait comme un possédé. Mais en ce moment, le Nautilus, soulevé par les dernières ondulations du flot, quitta son lit de corail. Après avoir, le 13 janvier, traversé la mer de Timor, le cap fut mis sur l'océan Indien. Où la fantaisie du capitaine Nemo allait-elle nous entraîner? Remonterait-il vers les côtes de l'Asie? Se rapprocherait-il des rivages de l'Europe? Résolution probable de la part d'un homme qui fuyait les continents habités. Descendrait-il donc vers le sud? Irait-il doubler le cap de Bonne-Espérance, puis le cap Horn, et pousser au pôle Antarctique? Reviendrait-il enfin vers ces mers du Pacifique, où son Nautilus trouvait une navigation facile et indépendante? L'avenir devait nous l'apprendre.